Vous écoutez La Première et voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Tout le monde est encore sous le coup d'une profonde émotion qui a bouleversé l'Europe à l'annonce des événements d'Autriche. Ce pays qui n'est plus que le croupion de ce qu'avait été l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous n'avez plus aucun doute sur la responsabilité directe de Kurt Waldheim dans les crimes de guerre commis par les nazis en Yougoslavie? Je vous promets quelque chose de très concret. Je vous promets, si vous me conduisez au pouvoir, qu'on va en finir avec les privilèges. La participation de l'extrême droite aux leaders autrichiens constitue en effet un grave danger pour les libertés. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer le documentaire qui a pour titre Citizen Crone, l'Autriche entre les lignes, et qui est signé Nathalie Borgers. Ce film s'intéresse à l'une de ses particularités autrichiennes, celle d'un quotidien lu aujourd'hui par le tiers de la population du pays, et dont le directeur, Hans Dichan, est particulièrement attaché à des valeurs qu'il estime éternelles. Au travers de ce journal et de son directeur, ce film est aussi un reflet de l'âme autrichienne et il est également une analyse du jeu plus que trouble qui mêle les médias au pouvoir. Aujourd'hui, rencontre avec la réalisatrice Nathalie Borgers, à qui nous avons proposé, il y a quelques jours, de se présenter à vous. Une bonne idée. Bah, écoutez, moi je suis en fait belge d'origine, je suis à Paris, j'ai habité aux États-Unis et en Autriche il y a une dizaine d'années. Ça, je pense que c'est un fait qui est peut-être intéressant parce que c'est la raison pour laquelle je me suis redirigée vers l'Autriche après la montée au pouvoir de Jörg Haider. J'étais depuis très longtemps aussi intéressée par le lien entre médias et politique. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais fait un documentaire s'intéressait à l'opinion publique américaine quant à la guerre du Golfe, donc celle de 1991. Et puis ensuite, j'ai fait en 1994 aussi un film qui traitait des médias et de la guerre en ex-Yougoslavie. Et c'était surtout là les journalistes indépendants, ceux qui se battaient contre la propagande des médias d'État et donc pour une pluri-ethnicité, une multi-ethnicité. Mais quelle est votre formation? Vous êtes journaliste au départ et vous avez... Oui, en fait, journaliste, c'est ça. J'ai fait une école de journalisme en Belgique et puis ensuite je suis allée aux États-Unis et j'ai continué une formation, une maîtrise en ce qu'on appelait là-bas le Broadcast Communication Arts. Donc c'est de la radio, télévision, c'est tout ce qui était réalisation, mais aussi aux États-Unis on met un peu la main à la pâte aussi au niveau technique, à la caméra, au montage, etc. Et le choix de l'orientation vers le documentaire, il s'est fait à partir de quand à peu près? Très tôt en fait, dès que j'étais en journalisme, parce qu'en fait le journalisme c'était un petit peu un choix par défaut pour moi, c'est-à-dire que moi j'étais très intéressée par la mise en scène de théâtre, donc le journalisme c'était ce qui me convenait le mieux à part ça, mais en fait très rapidement c'était pas tellement les infos, c'était plutôt quelque chose de plus long qui donnait à voir autre chose qui m'a intéressée. Donc dès mes études de journalisme, en fait, les premiers travaux qu'il a fallu faire ont été directement dans le documentaire. Extrait de Citizen Crone, l'Autriche entre les lignes. Le Kronen Zeitung est le journal le plus lu au monde, proportionnellement à la population d'un pays. C'est le quotidien de 3 millions d'Autrichiens, dans un pays qui compte 8 millions d'habitants. En l'an 2000, il fêtait ses 100 ans. En dehors de l'Autriche, personne ne connaît son existence. Peu de gens s'intéressent d'ailleurs à l'Autriche. Lors des élections législatives de 1999, toute l'Europe s'est tournée vers cette république tranquille en constatant avec inquiétude l'ascension sans précédent du populiste Jörg Haider et de son Parti de la Liberté. Comment comprendre ce succès? Si le Kronenzeitung touche une personne sur deux, c'est qu'il reflète une grande part de l'âme autrichienne. Pour une majorité, il est plus qu'un quotidien. Un véritable phénomène dans la vie sociale et politique, et donc un prisme à travers lequel comprendre le succès du populisme dans ce pays. Un journal pour le peuple, avec le peuple, le Krone naît en 1900. Au service du régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, il cesse de paraître en 1945, lorsque les forces alliées s'installent sur le territoire autrichien et prennent le contrôle des organes de presse. Leur mission prend fin en 1955. Quand le Krone reparaît en 1959, c'est le premier journal d'après-guerre vraiment indépendant, un journal 100% autrichien que la population accueille à bras ouverts. D'autant que celui qui l'a ramené à la vie, Hans Dichand, comprend comme personne ce qui émeut le citoyen autrichien. Aujourd'hui, je pose la question, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'Autriche? Alerte à l'anthrax après la mort de deux personnes. Procès du trou. La justice a enfin terminé l'enquête sur... Mariage secret à Las Vegas. Ne laissons pas Ben Laden cacher... En Autriche, il y a un pouvoir assez incroyable d'un journal qui est le plus lu au monde donc par tête d'habitant et qui s'appelle le Kronenzeitung et qui règne vraiment sur l'Autriche, on peut le dire comme ça, mais... Bon, à l'extérieur, personne ne connaît ce journal, mais en Autriche, tout le monde le connaît. Donc, ce film, c'était d'essayer d'aller voir derrière la façade que tout le monde voit, c'est-à-dire le journal lui-même, et donc d'essayer d'aller montrer le mécanisme de ce journal qui a un énorme succès, et donc comment fait-il pour obtenir autant de succès. Et c'était également, comme il se targue un petit peu, et c'est le cas d'ailleurs, d'être le reflet de l'âme autrichienne, c'était d'essayer de comprendre à travers ce journal la montée donc de l'extrême droite en Autriche. Alors son directeur Hans Dichand tient un discours sur la proximité vis-à-vis du lecteur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce discours-là? Oui, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est vrai que le Kronenzeitung agit un petit peu comme une famille par rapport au lecteur. C'est-à-dire qu'il est pas seulement une source d'information dans tous les domaines, il est très paternaliste en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de conseils dans tous les domaines, santé, les vieux, les jeunes, les enfants, psychologie, les chiens et les chats très importants, l'horoscope, etc. Donc il y a des gens, des spécialistes, enfin je veux dire, c'est-à-dire que par exemple il y a un vétérinaire, Il y a un vétérinaire qui vient, il est payé par le Kronenzeitung pour donner des renseignements aux gens qui ne savent pas comment nourrir leur chien ou leur chat. La spécialiste des animaux au Kronenzeitung, Maggie Entenfellner. Bonjour, monsieur Coloredo. Ici Maggie Entenfellner. J'ai un grand service à vous demander. J'ai reçu un appel d'un de nos correspondants en Styrie pour nous alerter sur la situation financière catastrophique de 3 chenils de la région. Les animaux ne sont plus nourris qu'avec du pain sec. Est-ce que Friskies ne pourrait pas faire un effort, comme l'an passé, pour atténuer la souffrance des animaux? Un vétérinaire prend un appel au bout du fil et répond par ses conseils. Vous voulez prendre d'autres animaux? S'il reste seul, le vaccin contre le rhume suffit. Une autre demande. Le téléphone sonne beaucoup. Oui, vous pourriez m'aider. Il y a une dame qui cherche un chat tigré, comme dans la pub, vous voyez? Maggie Entenfeller parle de sa mission de responsable de la rubrique des animaux. Il y a des jours où je suis sortie d'ici en pleurant, tellement j'avais de la peine. Il faut prendre du recul et se dire, bon, je fais mon possible, mais je ne dois pas devenir moi-même une victime. Elle lit le journal. Le 4 octobre, c'est la journée pour la protection des animaux. 24 heures consacrées à ces êtres qui nous procurent tant de joie et qui, par leur amour et leur fidélité, nous aident à traverser bien des orages. Alors il y a aussi des choses plus d'ordre plus avec l'administration, comme par exemple des gens qui ont des problèmes sur leur retraite, des gens qui... Voilà, il y a un médiateur juridique. Il y a un médiateur juridique, par exemple les jeunes qui font leur service militaire et qui sont placés à l'autre bout de l'Autriche et ils vont essayer de se faire rapatrier, vont demander l'aide de cet ombudsman, donc ce médiateur qui va effectivement même intervenir au Parlement pour dire... et notamment, justement, dans le cas du service militaire, cette loi n'a aucun sens, il faut mettre les gens à proximité de là où ils habitent. Mais c'est notamment là où on mesure le poids énorme de ce journal, c'est que ce médiateur juridique en question se présente comme étant l'ancien directeur de la télévision autrichienne et l'ancien ministre de la Culture, tout de même. Oui, et ancien maire de Vienne. Donc, effectivement, c'est un homme extrêmement connu là-bas, d'autant plus qu'il a en plus été la victime d'un attentat en 1976 et s'est fait exploser la main. Donc, il a toute une histoire qui le rend très connu là-bas. C'est un socialiste, hein, très connu. Et c'est vrai que lui, il prend à cœur, et c'est un petit peu lui aussi, il est très paternaliste. Ils se rejoignent bien entre Hans Dichant, le patron du journal, et lui, il se trouve, et vis-à-vis d'une population qu'ils infantilisent. Ils maintiennent quand même les gens dans cette espèce de... Ils prennent la responsabilité pour le citoyen moyen des problèmes qu'ils peuvent avoir avec l'administration. Et c'est très spécial parce que, bon, je pense que ça ne se trouve pas tellement dans d'autres pays. Et je pense d'ailleurs que c'est un petit peu caractéristique d'un pays qui n'a pas vraiment pu faire son mea culpa, le fait de pas avoir pu regarder son passé en face, et alors du coup on est toujours dans la protection, ne pas vraiment devoir affronter des réalités. Je pense qu'il y a vraiment ça qui joue dans la façon dont Hans Dichant prend en charge la population. Et d'ailleurs je me demande, quand il ne sera plus là, comment ça va changer. Il n'y aura plus cette génération aussi qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et qui se protège de devoir parler de ça. En fait, c'est plus ça, et c'est pas tellement qu'ils trouvent que c'était super bien le nazisme. C'est qu'ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas dire « oui, je vois pas pourquoi on s'est allié à cette histoire-là et on a fait une erreur ». Donc du coup, il y a une sorte de protection comme ça, une sorte de mur qu'on construit pour ne pas devoir regarder la réalité en face. Et c'est la même chose, ne pas devoir regarder la réalité par rapport aux étrangers, ou de toujours dire « mais on fait quelque chose de bien ». Et d'ailleurs, quand on fait quelque chose de mal, on l'a pas fait exprès. Eh oui, comme dit l'autre, l'enfer est souvent pavé des meilleures intentions. Dans quelques instants, nous retrouvons Nathalie Borgers, qui, il faut le signaler, a travaillé 2 ans sur ce documentaire. C'est vous dire la richesse du film. Elle nous en dira un peu plus sous peu. Tout demande un effort, rien ne se fait sans boulot. C'est une règle d'or, rien ne tombe d'en haut. Pour arriver au port, faut ramer comme un veau. Pour être matador, faut un foutu culot. Pour gagner son beefsteak, faut aller au charbon. Pour pas être un blanc-bec, faut du poil au menton. Pour aller à menton, mieux vaut prendre l'avion. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. C'est après des années d'intense réflexion que j'en suis arrivé à cette conclusion. Y a pas d'effet sans cause, pas de fumée sans feu. Au monde y a qu'une chose qui vienne seule, c'est curieux. Pour aimer les poulets, faut de la perversion. Pour voir des navets, faut la télévision. Pour qu'on l'appelle tonton, faudrait que ma tante en ait. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour entendre des promesses, il faut des élections. Pour que je montre mes fesses, faut du monde au balcon. Pour être bas de plafond, faut avoir un plafond. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. La connerie étant un mal très répandu, Les cerveaux, les savants se sont penchés dessus. Histoire vivante sur la première. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Tirage à 900 000 exemplaires, environ 2 700 000 lecteurs, pour un pays qui compte 8 millions d'habitants. Le Kronen Zeitung fait en Autriche la pluie et le beau temps. Et comme dit son directeur, si on retire les enfants et les étrangers qui ne savent pas lire, ça fait environ un Autrichien sur deux. Eh oui, travailler dans la presse, ça vous aiguise le sens de la formule, ça ne la rend pas moins injurieuse. Ce journal a donc son cortège de conseillers en tout, qui pouponnent ses lecteurs, comme dans la plus merveilleuse des crèches. Il met à disposition des conseillers juridiques, astrologues, vétérinaires, bref, règle à votre place les soucis quotidiens. Le Kronen Zeitung pense ainsi la société, il la cautérise, il lui administre simultanément les anticorps nécessaires pour que l'organisme soit sain. Les virus extérieurs sont méticuleusement scrutés et désignés à la vindicte populaire. Avec le Kronen Zeitung, nul doute que l'Autriche rêve au blanc éternel. Auteur d'un documentaire sur ce journal et son directeur, Nathalie Borgers nous en dit un peu plus sur ce cardinal, cette éminence grise de l'Autriche, le patron du Kronen Zeitung, Hans Dichand. Mais oui, d'ailleurs, moi, j'étais un petit peu... Enfin, j'avais de la chance dans un certain sens, parce que quand on filme avec un personnage comme ça, c'est vrai que... il faut parfois aller chercher un petit peu plus loin, mais il a toujours, effectivement, une façon de raconter où on voit, où on sent cette espèce de paternalisme qui chapeaute toute cette idéologie. Et en fait, c'est un... Pour moi, c'est surtout un très grand opportuniste par exemple, en ce qui concerne le poète. Donc ce poète, il est quand même critiqué de partout. Enfin, alors, dites un mot sur le poète. Le poète, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui écrit des lignes qui sont vraiment très, très souvent racistes. C'est une sorte de provocation, mais vraiment plus que limite au niveau de... des provocations racistes, parfois antisémites, xénophobes, mais c'est toujours un petit peu, il y a toujours une double signification, ce qui fait qu'il se rattrape toujours sur cette autre signification en disant oui mais c'est de l'humour, ou oui mais bon. Von Nord und Osten das Atom, von Süden der Migrantenstrom, von Westen Ächtung, Lüge, Hass. Le nord et l'est nous apportent l'atome, le sud son flot de réfugiés, l'ouest son mépris et sa haine. Notre chère Autriche a bien des raisons d'avoir peur. Personne ne hait les immigrés s'ils s'adaptent. Tout étranger est le bienvenu s'il adopte nos coutumes. Mais ceux qui veulent jouer les marginaux, se prendre pour les meilleurs et profiter de la richesse sans s'intégrer, courtisés par certains groupes qui se moquent de nous, les autochtones, cela ne peuvent qu'engendrer la haine, la violence et la terreur. Donc lui, ce poète, c'est vraiment de 4 à 32 lignes par jour. Et tous les jours, il envoie d'ailleurs plus d'un poème, mais il y en a un qui est choisi. Et c'est évident, et même Hans Dichand, il sait très bien ce que c'est, enfin, il voit très bien, et c'est lui qui choisit le poème. Et quand il a vu le film, il n'a pas été très content. Il m'a dit qu'il y avait trop du poète et qu'ils étaient poussés dans leur coin droit. J'ai dit, écoutez, excusez-moi, mais ça se passe. Et c'est vrai que moi, je souligne aussi certaines choses. Mais tous les jours, il y a un poème de cet homme-là qui passe dans votre journal. Et me dit, oui, c'est un drôle de type, c'est vrai, vous avez raison. Mais il est très important pour nous. Et ça, pour moi, c'était vraiment révélateur. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ce sentiment-là, cette espèce de rancœur de l'Autrichien par rapport à une accusation passée sur leur participation au régime nazi, elle est très forte et que c'est vraiment quelque chose qu'on peut remuer, attiser et que ça marche très très très bien. À la limite, ils le revendiquent, hein. Je veux dire, ils disent, nous on n'aime pas les journaux intellectuels parce qu'on n'a pas vocation et on n'est pas aussi prétentieux que ces gens qui font des journaux intellectuels et qui veulent éduquer le peuple. Nous, on ne veut pas éduquer le peuple. Nous, on veut, comme il dit, être un tout petit peu, leur donner un petit peu d'informations, mais pas trop, pas aller trop loin dans le discours, parce que sinon, ils ne vont rien comprendre et on va les perdre comme lecteurs. Extrait de Citizen Krone, l'Autriche entre les lignes. En fait, le Krone ne voulait pas de coalition au pouvoir. Au fond, c'est une affaire très complexe, car le journal a toujours soutenu Jörg Haider, sans vouloir forcément qu'il gouverne pour autant. Le Krone a une stratégie très fine, c'est celle de l'équilibrage. Il doit y avoir une opposition très forte pour contrebalancer le pouvoir. C'est une bonne stratégie, car ainsi, c'est le journal qui fait pencher la balance. C'est comme ça que Hans Dichant a raisonné. En plus, il craignait pour la stabilité du pays. C'est pourquoi il préférait de loin l'ancienne coalition. Mais ça ne l'a pas empêché, par ailleurs, d'aider le parti de Jörg Haider, le parti de la liberté. Alors, il n'oubliera jamais que le chancelier Schüssel ne l'a pas suivi là-dedans et est allé chercher Haider. Hans Dichant est à l'âge où l'on n'oublie plus. Alors, regardez ce qui arrive, le gros titre, « Il faut de nouvelles élections ». En clair, ça veut dire « Comment se débarrasser de Schüssel ?» C'est l'opposition qui a dit ça, mais ça n'apparaît nulle part quand vous lisez le journal. Il faut toujours lire le gros titre. Il reflète l'opinion du chef. À Vienne, n'importe quel gosse sait que les gros titres sont l'œuvre du vieux. En tout cas, vous avez fait un film assez épatant. Vous avez passé 2 ans et ça se voit parce que votre documentaire est extrêmement dense. Il nous parle enfin de ce pays dont on ne parle effectivement pas suffisamment assez. Je rappelle le titre, c'est Citizen Krone, l'Autriche entre les lignes. Et on rappelle que le Kronenzeitung, c'est un journal, un quotidien absolument stupéfiant, qui est lu par 43% des Autrichiens. On le disait lors de l'interview, quasiment le tiers de la population du pays. Nathalie Borgas, bonne continuation. Vous travaillez sur quoi, là, d'un dernier mot, très rapidement? Sur la Belgique, cette fois. Donc, ce sera pas tout à fait la même chose, mais en même temps, ça a quand même un rapport avec la diversité culturelle en Belgique et est-ce que nationalisme et mondialisation sont une menace à cela. Vous en sachant que la Belgique contient un petit peu tous les éléments que l'Europe aussi, en tant qu'Union européenne, doit gérer. Cultures différentes, langues différentes, populations immigrées, etc. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Jean-Marc Julien. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. We'll be right back. missiles and coiling from my bones. Unwrap me like a gift. You've been desperately wishing for. Cartilaginous flower. Can you see the light inside? Do you remember when we used to be wild and free? I'm a shapeshifter. I can become anything I want. I'm a shapeshifter. I can become anything I want. I want. This wound's in the middle of your forehead. Realize your full potential. What you see is not what is true. Oh no. Proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.